Daniel Auteuil est notre invité jusqu'à midi et demi. Merci d'accueillir Guillaume. Oh oui! Absolument. Ça va les amigos? Ouais, ça va toi? Et ce matin, je vais vous parler d'une petite étude scientifique danoise. Ah, voilà. Ouais, avec plaisir. C'est pas toujours évident ce mi-temps que j'ai au CNRS. Vraiment, je suis une sorte de trait d'union entre les médias francophones et la recherche en Scandinavie. C'est relou. Tu vois, dès qu'ils font une demi-découverte à Copenhague, ils m'appellent. Il faut Ernesto Abunkokusson. En danois, ça veut dire Ernesto, fils de la cuisine ouverte. Ils me disent Vitrakfring ut, Vitrang du score. Ça alors, veut dire on s'est enfin sorti les doigts du huc, on t'a trouvé une dinguerie. Et hier, je réponds Rico Lund, comme veux-tu, j'ai peu de temps, il y a Daniel Auteuil qui vient demain. En plus, tu me dois toujours un ticket restaurant de l'autre fois. Et là, je suis sur le point de raccrocher. Et Rico Lund, elle me dit Lagigpa. Ça, pas besoin ça de traduire. Non. On a tous compris. Tu vois, il y a des gens quand même, t'as l'impression que tout leur est dû, quoi. C'est vrai, ça. Mais soit, pour ceux qui rament en langue, l'algipa, ça veut dire raccroche pas, carigno. Et c'est toujours bien de le préciser, parce que si cette chronique décolle jamais, ce qui est quand même bien parti pour arriver, c'est au ça. Moins on aura appris trois phrases en danois. Et ça, c'est le service public. Alors, bref, le professeur Rico Lund, elle m'explique que l'université de Copenhague vient de sortir une étude disant que les ruptures amoureuses et les années de célibat pèsent plus sur la santé des hommes que sur celle des femmes. Ah, là, forcément, je réponds. Là, forcément. D'accord. Je réponds, vous êtes sûr? Genre, vous avez vraiment vérifié et tout. L'université de Copenhague, c'est pas la Sorbonne non plus, quoi. Ils ont un chouette projet de permaculture sous le toit de la bibliothèque, mais au-delà de ça, c'est les branleurs, quoi. Un diplôme de l'université de Copenhague, ici, c'est l'équivalent d'une carte de vidéoclub. Vraiment, tu vois, avec ça, tu rentres même pas dans C'est pas sorcier, tu vois. Et là, Rieke Lund, elle me dit, non, je te jure, on est béton, on a étudié pas loin de 5000 personnes sur une période de 26 ans, et les taux d'inflammation du sang des hommes semblent plus liés au chagrin d'amour et aux périodes de célibat, quoi. Et je lui fais, mais Rieke Lund, t'as un français impeccable, quoi. Vraiment. Elle me dit, ouais, j'ai vécu à Reims. C'est horrible. C'est un remords. J'ai vécu à Reims pendant 39 ans. Elle me dit qu'un mec adorable qui avait une jambe plus petite que l'autre. Mais je lui dis, mais elle est exceptionnelle cette anecdote. Et que l'autre, franchement, faut trop que je raconte sur la radio la plus écoutée de France. Les gens vont halluciner. Ou alors peut-être que je vais perdre mon emploi. Un des deux. En tout cas, merci pour le partage. Et c'est vrai que à Copenhague, ils ont étudié des hommes de 48 à 62 ans. Et ils se sont rendus compte qu'un célibat de longue durée ou des ruptures successives avait un impact sur la qualité du sang. Ce qui, à long terme, serait préjudiciable sur la santé. Ceci dit, quand t'as entre 48 et 62 ans, le long terme, il est toujours préjudiciable pour la santé. Je te dis. Il y a personne de 62 ans qui se dit vite que j'en ai 87 que je puisse recommencer le crossfit, quoi. Tu vois, vraiment, le seul célibataire qui est en pleine forme à cet âge-là, il est au Vatican, tu vois, il boit le sang du Christ tous les dimanches, je crois que c'est plus efficace que la dialyse. Enfin, en gros, les hommes d'âge moyen qui vivent seuls ne prendraient pas toujours bien soin d'eux-mêmes, en fait. Et je vous promets, je voulais même pas en parler, Daniel. Vraiment, mais quelque part, il est aussi pour vous ce billet. C'est vrai, faites un effort le Daniel, matin. Daniel, lequel? Morin ou Morin? Mais oui, c'est 10 minutes. Ouais. Vous devez même pas vous peigner. C'est quand même une chance. Allez, hop, on range la salle de bain, on enlève la cage des oiseaux, hein, on déplace la tronçonneuse qui traîne dans la baignoire et on fait sa toilette, Daniel. Une fois, c'est 10 minutes, Daniel. C'est 10 minutes. Une autre explication, c'est que les hommes qui vivent célibataires, ils auront tendance à moins appeler le médecin aussi, les hommes célibataires. Ah, ouais. C'est vrai. Ça, je m'identifie pas. Moi, mon médecin, je l'appelle 14 fois par jour. Je sors de son cabinet, j'arrive chez moi, je lui envoie. Je suis bien rentré, bisous, on se revoit quand, vraiment. Sérieux, j'ai créé 6 groupes WhatsApp où il y a juste elle et moi dedans, quoi. Vraiment, j'ai un groupe suspicion Covid, un groupe suspicion cancer, un groupe certitude chlamydia. C'est vrai que, globalement, d'après cette étude, les femmes digèrent mieux leur séparation et leur célibat que les hommes, quoi. Tu vois, quand on se sépare, nous, on va tout droit vers la mort et les femmes, elles vont tout droit vers la vie. Oui. Et c'est pas pour dire que de temps en temps, je sors des formules un peu sympas, mais ça, c'était bien, non? Franchement, oui, c'était bien cette formule. Là, on pourra dire, ouais, son intro, c'était de l'escroquerie, mais cette dernière phrase, une merveille, quoi. Vraiment, chic, ouais. On sert vraiment à rien, les hommes hétérosexuels. Là, c'est prouvé, quoi. L'idée, c'est que je cite, les femmes ont plus tendance à se tourner vers leurs amis et leur famille après une rupture et sont peut-être mieux à même de gérer le stress qu'elles subissent, quoi. J'avoue, c'est bien d'avoir une oreille quand tu te sépares. Moi, ma dernière rupture, j'avais appelé Nagui, je lui avais dit j'ai besoin de parler, moi j'ai besoin de 7 grammes de cocaïne pour un goûter. Chacun a ses problèmes, hein, vraiment, tu vois. Je lui ai fait lagig pas, ça veut dire raccroche pas, carigno, mais en danois. Donc voilà, mais ça, je vous le saviez déjà. Ça, c'est le service public, les amis. Allez, bonne émission. Merci, Guillaume. Le 8 février donc à Ajaccio et ensuite le Trianon à Paris les 11 et 12 février en tournée.